Hi. Hi. I'd like a croissant, please. Yes, that's true, he would. Je voudrais une croissant. Oh, what? Je voudrais une croissant, je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Radio Campus Toulouse 94 FM. Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Campus FM 94 FM à Toulouse ou sur le www.campusfm.net partout dans la planète. Nous sommes le jeudi 14 décembre et il est 18h. Et c'est l'heure de Rien à voir quoique, votre émission culturelle au sens très large. En cette période de préparatifs festifs pour nombre d'entre nous, pardon, mais pas tous, hein, beaucoup ne fêtent pas Noël. Je vous propose de faire le point sur justement notre façon de consommer avec notre invitée Suzanne Combe, cofondatrice de Zero Waste Toulouse. The waste en anglais se traduit le plus souvent par les déchets, mais aussi le gaspillage. On en parle tout à l'heure avec notre invitée qui est déjà dans les studios avec nous. Bonsoir Suzanne. Au programme de l'émission également, vos trois rendez-vous coup de cœur ou coup de gueule de nos trois chroniqueurs avec Edgar et sa chronique musicale, l'instant philo de Ambre et le coup de cœur de Hugues. Ce soir, à la fois musical, littéraire et militant, salut! Salut, salut. Salut. Et c'est François qui est à la réalisation technique de l'émission. Merci François, on est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique en direct sur le 94 FM. Edgar, je te laisse la parole tout de suite. Alors moi pour le coup, je vais vous parler d'afrobeat et plus particulièrement du créateur de ce style musical, un certain Fela Kuti. Bon, on connaît bien le monsieur en général. Alors oui, l'actualité musicale de l'artiste, elle est pas folle, puisque ça fait exactement 20 ans qu'il est mort. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de lui? C'est parce que demain, il y a une sélection qui sort, une sorte de best-of choisi par une grande dame, j'ai nommé Erika Badu. Bon, je vais pas vous le cacher, mais je voue une véritable adoration à cette artiste qui elle-même mélange tous les styles, enfin beaucoup de styles, et donc qui a des influences bien variées. Parmi ces influences, vous l'aurez compris, il y a l'afrobeat, un style qu'on discerne pas forcément à travers les chansons de Badu, mais qui est bien présent. Alors pour le coup, moi, c'est vraiment parfait puisque c'est deux idoles qui se rejoignent, même si à mon avis, Fela n'a jamais eu connaissance de l'existence d'Erika Badu. Mais bon, je suis sûr qu'il se serait très bien entendu. Le problème avec Fela Kuti, c'est qu'il a trop de créations. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un problème, mais il n'empêche qu'on sait jamais vraiment par où commencer. Parce que le bonhomme, il comptabilise pas moins d'une cinquantaine d'albums, et c'est pour ça que c'est vraiment un peu compliqué, c'est un plus d'être guidé, on va dire, par une artiste comme Erika. Je l'appelle Erika, on est très hostile. Alors voilà, bon je dis ça, mais il y en a déjà eu trois avant qui lui ont succédé, et pas des moindres, puisqu'il y a eu Brian Eno, Ginger Baker, qui est un batteur avec qui il a collaboré, et le dernier à s'être prêté à l'exercice, c'est un autre de mes chouchous qui s'appelle Questlove. Alors, particulièrement représentatif du mouvement hip-hop, parce qu'on peut noter que la culture hip-hop est très en lien avec Fela Kuti, surtout grâce à son côté engagé et justement sa vision très critique de l'Occident et le dysfonctionnement de son pays, le Nigeria. Alors enfin voilà, à travers ce coffret qui comprend quand même 7 vinyles et dont le son a été remasterisé pour une meilleure écoute, c'est ça. Et surtout, c'est l'occasion de rendre un très bel hommage à ce grand artiste qui est carrément devenu une légende, parce que c'est vrai, quoi, à part Fela Kuti, qui peut se vanter d'avoir inventé son propre genre musical? Alors l'autre intérêt, c'est aussi de découvrir quelles chansons de Fela ont été sélectionnées, et donc lesquelles ont particulièrement marqué la sensibilité d'Erika Badu. Car ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas choisi les énormes classiques comme Water Got No Enemy, ou, enfin, excepté peut-être Yellow Fever, qui est le premier morceau qui y apparaît. Alors voilà, ça fait une idée de cadeau pour les fêtes, mais il faut quand même avoir un peu d'argent de côté parce que c'est pas donné. Cette vinyle, ça revient à une centaine d'euros. C'est à peu près le prix, mais C'est, il faut avoir un peu d'argent, quoi. Bref, pour conclure, on va s'écouter un des morceaux sélectionnés par Erika, un morceau pas très connu qui s'appelle VIP, à comprendre comme Vagabonds in Power. Alors, plutôt un extrait parce que chaque morceau de Fela Kuti dure en moyenne 15 minutes, du coup, on va écouter 4-5 minutes. VIP, VIP, VIP, VIP, very important person means in a power, in a so-so power. Be special person, but everybody gets in power everywhere. Everybody gets in power everywhere. I say everybody gets in power everywhere. Everybody gets in power everywhere. Oh. Part one coming. I'm on like a pusher. Him get him power over him. I'm on like everywhere. Oh. Molu white driver. Him get him power over him boss and conductor everywhere. Businessman uncle, him get him power over employee and employer everywhere. Inspector General, him get him power over different, different recruits everywhere. Hey. Calcutta President, him get him power over Calcutta Empire everywhere. Head of state in court, him get him power over him own country everywhere. Oh. Part two coming. Voilà, voilà, c'était le morceau VIP, Vagabonds in Power, qui sera présent dans la sélection faite par Erika Badou des meilleurs morceaux selon elle de Fela Kuti, qui sortira demain. En vinyle, donc 7 vinyles. 7 vinyles pour une centaine d'euros à peu près. C'est un message subliminal, tu veux un petit cadeau, Ricard ? C'est un peu ça, c'est ça. Merci. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Alors, né en Californie dans les années 80, le concept du zéro déchet est arrivé en France il y a une dizaine d'années. En souhaitant conserver l'appellation zéro waste plutôt que zéro déchet. D'une part parce qu'en anglais waste signifie, je l'ai déjà dit, à la fois déchet et gaspillage. Et d'autre part parce que l'organisation s'inscrit dans le cadre du réseau Zero Waste Europe. Aujourd'hui, Zero Waste France regroupe 28 groupes en France et une toute nouvelle maison zéro déchet à Paris. À Toulouse, l'organisation est créée en février dernier, même si les questions du zéro déchet intéressent les Toulousains depuis bien plus longtemps, avec des associations comme Alternatiba, qui organise le village des alternatives à la crise économique, sociale et écologique, ou encore l'association Toulouse en transition, dont l'objectif est, je cite, de sensibiliser, échanger et mobiliser l'enthousiasme, la créativité et les compétences de chacun. Et l'enthousiasme des Toulousains, il est bien réel, comme celui de notre invitée Suzanne Combe, cofondatrice de Zero Waste Toulouse. Merci beaucoup Suzanne d'être venue dans les studios de Campus FM ce soir. Bah, merci à vous. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Enzo Favuano. Ouais, le coordinateur scientifique du Zero Waste Europe. Le zéro déchet, c'est un voyage plus qu'une destination, signifiant qu'il ne s'agit pas de poursuivre une utopie, mais bien d'aller le plus loin possible dans la réduction de la part non recyclable des déchets. C'est joli ça, Suzanne Combe, le zéro déchet, c'est un voyage plus qu'une destination. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Je comprends très bien, parce que quand je parle de zéro déchet aux gens, généralement ils me disent « mais c'est impossible de faire zéro déchet, c'est horrible, c'est un sacrifice pas possible ». Et ce que je dis, mais non, il faut aller vers le zéro déchet. En fait, il faut juste réduire ses déchets, évidemment, on n'est jamais zéro déchet. Même les meilleures figures du zéro déchet, ils ont quand même quelques déchets, enfin c'est normal. On peut pas faire sans, quoi. Alors effectivement, c'est un voyage long, semé d'embûches, mais il est parfois ludique, hein, on reviendra dessus. Mais ma première question, c'est comment on en est arrivé là, de toutes ces poubelles qui débordent de partout? Alors, j'ai envie de dire la société consumériste, voilà. Non, mais c'est vrai, avec la croissance économique, on s'est dit, plus les gens achètent, plus ça fait de croissance et mieux c'est pour tout le monde. Donc, on a poussé les gens à acheter de plus en plus, à faire que les choses ne durent pas, qu'on puisse jeter facilement, racheter facilement. Comme ça, on fait marcher le système. Sauf que on se rend compte que, comme ça, on extirpe beaucoup d'énergie du sol et de matières premières, en fait, et qu'on en manque de plus en plus, et que toute cette matière première, toute cette énergie, en fait, sert pas à grand chose, puisque beaucoup de choses sont jetées très vite. Donc nous, ce qu'on conseille, le premier pas, c'est déjà d'essayer d'aller de moins acheter et d'acheter plus des objets qui durent, par exemple. Ça, c'est une première chose très importante quand on veut aller vers le zéro déchet. En préparant cette émission, j'ai découvert que Zero Waste Toulouse a édité un abécédaire de 22 mots au doux nom de « déchets, les gros mots ». Non, vous connaissez pas. Zero Waste Toulouse. Zero Waste France. Non, Zero Waste France. Ouais. Zero Waste France. C'est une sorte de remède contre les effets déformants de cette fièvre verdissante qui dit un petit peu tout et son contraire, effectivement. Et donc, à la lettre Z de ce dictionnaire, on trouve le zéro déchet. Ce n'est pas seulement regarder ce qu'il y a dans les poubelles d'ordures ménagères et se demander comment faire pour tout recycler. Le tout recyclage n'est pas une démarche zéro déchet aboutie, et c'est déjà pas facile de le faire. Le zéro déchet est une démarche positive d'amélioration constante, vous l'avez dit, visant à réduire à la source la production des déchets. Ils disent que c'est pas une révolution, mais il y a quand même une idée de petite révolution quand même dans le zéro déchet. Ah si, moi je trouve que c'est une révolution. En fait, au début, je m'intéressais pas du tout au zéro déchet parce que le terme m'intéressait pas. Je me disais, les déchets, je m'en fous un peu, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte. Enfin, je m'en fous pas, mais j'ai toujours été un peu écolo. Mais bon, bref. Mais c'est vrai que ça n'attirait pas vraiment mon attention. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en étant zéro déchet, on prend tout en compte parce que du coup, on achète plus responsable. On essaye d'acheter des choses locales. Des choses, par exemple des légumes de saison plutôt, parce que ça fait moins d'énergie, ça fait moins de déchets en fait, de manière plus générale. On va essayer de privilégier la solidarité entre voisins pour se prêter une perceuse plutôt qu'en acheter une, pour réparer des choses quand on sait pas le faire, on s'adresse aux voisins, on va à des cafés bricoles et tout, je sais pas si vous connaissez, pour apprendre à réparer. Enfin, c'est vraiment un ensemble de choses qui va dans le sens général de la transition écologique et sociale. Comment vous êtes venu, vous, au zéro déchet? En tant que personne, j'ai des amis en fait qui m'ont parlé de ça et qui m'ont fait découvrir Zero Waste France alors que c'était en train de se monter un peu à Paris. J'étais encore à Paris à l'époque et je suis descendue à Toulouse et j'ai vu qu'il n'y avait pas de groupe local Zero Waste Toulouse, et du coup avec d'autres personnes intéressées, On a monté ça il y a un an. Donc c'est récent, en février, hein, donc ça a quelques mois. Et oui, et voilà, il y a beaucoup d'engouement et c'est super parce qu'on a de plus en plus de bénévoles et on commence à se former. Il y a combien de bénévoles mais... vraiment actifs, je dirais qu'on est une trentaine. Mais sinon, il y a beaucoup plus de gens qui gravitent autour de nous, qui participent ponctuellement et qui sont intéressés. Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus. Alors concrètement, vous travaillez à nous sensibiliser, nous responsabiliser, je ne sais pas si le terme un petit peu, autour de trois publics, les écoles, les collectivités, les commerçants et bien sûr le grand public. Donc par exemple, concrètement, vous avez des actions, ce sont des apéros mensuels. Alors je ne sais pas si on boit des coups, ça s'appelle oui, juste apéro. Hein. Dans des lieux différents à chaque fois, hein, dans Toulouse. Donc ça peut être un thème sur comment passer des vacances zéro déchet ou comment faire pour que les commerçants acceptent nos contenants quand on fait ses courses. Ça, on y reviendra plus tard. Qui vient à ces apéros? Est-ce que ce sont des gens déjà acquis à la cause? Non, bien sûr. C'est vraiment, on a fait ces apéros qu'on a appelés maintenant after work. C'est très anglais, mais c'est juste pour que les gens comprennent que c'est, comment dire, que tout le monde peut participer après le travail, quoi. On accueille tout le monde, justement. C'est le moment où les gens peuvent venir nous rencontrer, discuter de tout ce qu'ils veulent. On propose à chaque fois un thème particulier, comme ça, ceux qui sont déjà un petit peu, qui connaissent déjà un peu le zéro déchet, comme ça, ils ont quelque chose sur quoi plancher, réfléchir tous ensemble. Puis les autres, ils peuvent venir discuter, voir comment on fonctionne. Enfin, c'est vraiment très ouvert. Donc vous expliquez ce que vous faites ou c'est vraiment de la discussion entre tout le monde? C'est plutôt de la discussion tranquille, ouais. Ça dépend, des fois il y a 6 personnes, des fois il y en a 40, ça dépend vraiment des apéros. Et vous intervenez aussi dans les écoles, alors pour des enfants de quel âge? Ce groupe école avait l'ambition de faire partout, hein, en primaire, collège, lycée et même université. Sauf que voilà, pour l'instant on n'a pas encore eu beaucoup beaucoup de bénévoles, on a fait quand même quelques interventions. Quand même en primaire, auprès de CM1, au lycée, auprès de seconde et dans un institut médico-éducatif. Donc c'est vous qui proposez les interventions? Ce sont les écoles qui viennent à vous? Alors au début, c'est nous qui sommes allés vers les écoles parce que personne ne nous connaissait évidemment. Et maintenant, on commence à avoir quelques demandes quand même. Toulouse Business School aussi qui est venu nous demander de faire un atelier. Quelles sont les réactions des enfants en particulier? Alors, moi, j'étais justement dans une intervention en primaire et on a fait des petits ateliers pour apprendre à réemployer qu'est-ce qu'on met dans la poubelle ou pas, comment on peut réemployer les choses, c'est quoi du compost, etc. Et ils étaient hyper amusés et vraiment très créatifs. C'était incroyable. Mais ça les amusait, mais de dingue. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est un super plan, en fait, pour montrer à ces enfants comment réemployer, créer des choses à partir de simili-déchets, enfin, de choses qu'on pourrait jeter, mais qu'on peut récupérer. C'était vraiment très drôle, ouais. Alors, une fois qu'on s'intéresse au zéro déchet, ça peut être assez amusant. Moi, je trouve que ça rend assez heureux, en fait, de fabriquer soi-même sa lessive ou son shampoing dur, de rapporter, de remplir ses bocaux dans les épiceries en vrac. Mais c'est assez long, ça prend du temps. Ou pas. Ce qui est long, en fait, c'est peut-être de changer sa façon de voir les choses. C'est toujours ce qu'on dit, hein. J'entends beaucoup ça à la radio, justement, des gens qui disent, ouais, il faut changer sa façon de voir les choses. À partir du moment où on commence à prendre un peu l'habitude, à avoir toujours ses petits sacs à vrac sur soi, qui ne pèsent pas forcément très lourd, quand on va faire des courses en vrac, par exemple, il y en a dans pas mal de magasins bio ou même des grands supermarchés. Je crois que maintenant il y a du vrac au marché. Quand on y va avec son panier ou quoi, enfin, c'est une habitude à prendre pour faire ses cosmétiques soi-même ou ses produits d'entretien. Moi, je sais que je fais ça essentiellement à base de savon de Marseille, vinaigre blanc, des choses comme ça, très simples en fait. Donc, voilà, moi, ma lessive, mon liquide vaisselle, c'est la même chose. Savon de Marseille, savon noir, et puis tout ça mélangé avec un peu d'eau. Moi, la dernière fois, je suis allée remplir mon contenant de lessive. J'ai mis 3 minutes parce que c'était la fin du gros truc, là, et je me suis dit que c'était quand même un petit peu long. Ouais. J'ai peut-être pas eu de chance. Bon, alors mais... oui, là, je crois que c'était pas trop de peau quand même, la fin du. Bon, remarque, je fais ça avec l'huile d'olive, moi, c'est vrai que ça met un peu de temps, mais. Après, c'est aussi la slow, comment on dit, slow life, slow façon de vivre, comme on dit, la slow food. C'est slow, ça veut dire lent, chers voilà, auditeurs. Pardon. Désolée. reprendre le temps peut-être de passer du temps en cuisine, par exemple, des choses comme ça. Ça, c'est aussi du zéro déchet, réapprendre à cuisiner. Alors, le zéro déchet, je le disais, parce que j'aime beaucoup cette phrase, c'est un voyage plus qu'une destination. Et c'est vrai que par rapport à nos habitudes, entrer dans une épicerie en vrac, c'est vraiment pas du tout le même voyage que celui d'entrer dans un supermarché classique ou une grande surface. Est-ce que ça veut dire qu'on va plus du tout dans les supermarchés? Alors moi, oui. Ben, je ne faisais pas du tout pour faire la grosse bobo ni rien, mais j'avoue que je me suis fié en AMAP et en magasin bio ou magasin vrac qui existe. Il y en a deux. Vous pouvez citer, il n'y a pas de souci. Non, il y en a trois maintenant. Comme ça, je ne fais pas de concurrence. Il y en a un qui s'appelle Ceci et cela, qui est en centre-ville tout près du Capitole. Voilà. Il y a Day by Day, qui est une chaîne de vrac vers Pas de Doigt. Et un dernier qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Au Local Bio. Qui est aussi un restaurant. Ouais. Et qui vient de s'ouvrir Palais de Justice. Oui, si, Palais de Justice. Ouais. C'est plus près de Palais de Justice. Si je peux me permettre. Voilà. Donc, oui, donc moi, je fréquente ça. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous achetez au supermarché alors? Ben, presque rien, ne serait-ce que éventuellement si je suis en panne de papier toilette. Oui, je suis désolée, je n'ai pas encore de zéro déchet de ce point de vue-là, ou de je sais pas, une casserole, non, même pas, enfin, non, très rarement, vraiment, c'est vraiment exceptionnel si jamais j'ai vraiment une panne. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait bizarre de retomber dans ce temple de la consommation quand j'y retourne, parce que... Ça a tellement rien à voir. Il y a énormément de choses, on se dit, mais on n'a pas besoin de tout ça, quoi, c'est dingue. Il y a beaucoup d'emballages. Ah oui, ne parlons même pas des emballages. On va en parler. Merci Suzanne Combe, on se retrouve dans un court instant, dans Rien à voir quoique. Mon coup de cœur de la 39e édition des Transmusicales de Rennes, ouais je sais, c'est un petit peu loin, qui vient de s'achever dimanche dernier. Il s'agit de Tanika Charles, elle vient de Toronto au Canada. Le morceau s'appelle Soul Run. Écoutez le morceau de Tanika Charles Soul Run et on est toujours en compagnie de Suzanne Combe, cofondatrice de Zero Waste Toulouse. Non, pas mon petit jingle, ça déborde. Allez, on y va, attention. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Ça valait le coup d'attendre quand même. Alors à Zero Waste Toulouse, vous faites de la sensibilisation auprès des commerçants. Et ça, c'est une question qui m'intéresse. Comment sont perçues vos actions auprès des commerçants? Parce que c'est dur. Alors ça tombe très mal parce que je ne fais pas du tout partie de ce groupe de travail qui est vous débrouillez. Non, mais je sais que ce groupe de travail a justement mené un questionnaire auprès de plein de commerçants. Quand je dis plein, c'est genre une centaine, je pense, de commerçants. Beaucoup. C'est des petits commerçants, boulangerie, charcuterie. Ouais, plutôt des petits commerçants, il me semble, des restaurants aussi. Et en fait, parmi cette centaine ou même plus, je sais, en tout cas, ça c'est sûr, le chiffre est sûr, qu'il y en a 72 qui sont sensibles à la démarche Zero Waste. Donc, ils seraient peut-être partants pour faire des choses avec nous. Donc voilà, c'est tout un travail de fond, évidemment, pour essayer de les amener à être commerçants zéro déchet, parce qu'il y a une campagne au niveau national pour mon commerçant zéro déchet. Et donc, peut-être amener petit à petit nos commerçants commerçants à faire attention à leurs invendus, à éviter trop d'emballages, à accepter que les gens viennent avec leurs contenants. Souvent, surtout. C'est des questions d'hygiène. Ils veulent pas qu'on rapporte nos. Ouais, bah ouais, mais pareil, je comprends pas trop parce qu'après, c'est la responsabilité de la personne elle-même. Oui, c'est l'envie de mettre sa tranche de. Oui, voilà, de jambon. Ou de... Bon, là, on parle de la viande parce que c'est ça qui, je pense, qui pose souci par rapport à l'hygiène. Sinon, ces légumes, c'est plus très choquant de venir avec son sac. Ou... Non, les légumes, non, mais c'est vrai, plutôt dans les pommes de charcuterie. Être... Ou même à la boulangerie. Alors là, ils le font volontiers, mais c'est vrai qu'ils donnent beaucoup de. Beaucoup de papier pour une baguette, ce qui n'est pas forcément, nécessaire. C'est vraiment dommage. Moi, heureusement, je vais toujours à la même boulangerie, comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas me faire de remarques, mais ça arrive souvent que les restaurateurs, comme ça, les petits commerces, ils disent « Oh, mais non, mais c'est mieux pour vous, prenez avec un plastique. » Je me dis « Mais non, c'est pas mieux pour moi, laissez-moi tranquille. » C'est pas facile encore, mais il y en a qui sont vraiment sensibilisés quand même et qui acceptent. Et alors, vous parliez de poules, donc quand, à Zero Waste Toulouse, il y a des... Il y a des pôles. Des pôles, enfin, ou des groupes de travail. C'est juste pour se répartir plus facilement sur les différentes missions, entre guillemets, qu'on peut avoir. Donc, ouais, on a plusieurs pôles. Donc, on a un pôle professionnel, donc qui s'occupe des commerçants, sensibiliser les commerçants. Un groupe école, donc qui s'est occupé jusqu'à présent de faire des interventions en école. Un groupe événement qui est plus sur l'animation de stands, d'ateliers pour le grand public. Donc là, c'est lors de... Lors de quoi ? D'événements, par exemple, c'est ce pôle-là qui organise nos apéros mensuels. C'est ce pôle-là qui a été sur Alternatiba, sur d'autres festivals comme Open Bidouille Camp. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était un petit festival. Pas du tout, qu'est-ce donc ? Oh, vous connaissez pas ? Oui, je viens d'arriver à Toulouse, moi. Ah bon, on va dire. Edgar ? Non, je viens d'arriver à Toulouse aussi. Ah ouais, mais c'est pas vrai, mais c'est quoi cette bande d'étrangers ? Personne n'est vraiment toulousain ici. C'était un petit festival pour le principe de la bidouille, c'est apprendre à faire soi-même. Donc du pain, réparer ses cosmétiques, tout. Il y a des trucs pas faciles, pas. Moi, comment ça s'appelle la petite éponge au doux nom japonais, là ? Le tawashi, ouais, je crois. C'est pas facile. Hein. Moi, j'ai essayé. Ouais, je suis pas hyper fan encore. Je dois avouer. Non, mais attendez, on est loin d'être complètement zéro déchet à zéro waste. On est juste très motivé par la réduction des déchets. Donc, on accepte vraiment bien, tout le monde. C'est bien de le dire que c'est pas si facile. Non, non, quoi. On est loin d'être. On peut adapter. Ah oui, moi, je suis loin d'être au bocal. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste être motivé par ça, quoi, et se rendre compte que c'est important. Et donc, dernier pôle important, c'est le pôle réseau et partenaires. Alors là, c'est un pôle qui essaye de faire des liens avec les collectivités. Les élus notamment, et donc là on a remporté un appel à projet citoyen je vois Anna qui s'excite, un appel qui à projet citoyen, sa question au bout de l'interview j'étais trop rapide. Allons-y. Alors ouais. Qu'est-ce que c'était ? Je raconte. Du coup, c'est Toulouse Métropole qui a lancé un appel à projet citoyen. Et nous, on a postulé, on a dit oui, on aimerait beaucoup faire un collecteur de biodéchets, un collecteur mobile de biodéchets qui serait en fin des marchés, de marché de plein vent. Et donc, l'idée, c'est qu'à la fin des marchés, il y a ce collecteur qui récupère du coup les biodéchets, donc les déchets organiques, tout ce qui est légumes, etc., du marché, mais aussi des riverains qui ont envie d'apporter leur compost et des clients du marché. Donc, c'est une façon de faire du compostage, parce qu'à Toulouse, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des compostages publics, des compostages dans certaines résidences, mais ce n'est pas très, très développé. Bah, il y en a un grand au Grand Rond, justement, oui. Et j'ai appris qu'il allait être supprimé fort de son succès, parce qu'il est trop de gens c'est mettent des trucs dedans, et qu'il va être remplacé par une machine. Ah bon ? Oui, c'est l'ambassadeur du tri qui me l'a dit quand je suis allée visiter avec votre association. Oui, je n'étais pas à cette visite. Ah oui, mais c'est tout récent parce que... Ah oui, c'est tout récent. Ah d'accord, ah, ouais, ok. Ah ouais, ouais. Oh, mon Dieu, non, c'est vrai ? Alors je penserais une machine un peu écolo, mais c'est parce que ça marche aussi, donc c'est tout paradoxal. Mais c'est ça, le problème avec Toulouse Métropole, c'est qu'ils ont très envie de nous aider à composter, mais ils n'ont pas du tout de moyens humains et j'imagine financiers derrière. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous répètent. Donc il faut vraiment que nous, les citoyens, on soit force de proposition, qu'on soit là à dire on va s'occuper de tel compost public, vous inquiétez pas, et là ils seront derrière nous. Mais sinon, non. Donc c'est pour ça qu'avec Zero Waste, donc on a lancé cette idée de collecteur mobile. Mais ça veut dire que vous l'amenez, donc par exemple le dimanche à Saint-Aubin, et vous le... Alors, on a juste remporté l'appel à projet. Hein. Là, c'est en train de se mener, ça commence... Non, ça démarre ça en janvier. Ça s'appelle Smart City, c'est ça ? Oui, voilà, c'était l'appel à projet Smart City, merci. Et du coup, on invite tout le monde qui est intéressé par nous aider à monter ce projet de nous contacter sur notre page Facebook, par exemple, Zero Waste Toulouse. pas les lancer. Voilà, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Alors, un marché anti-gaspillage, on en a un petit peu parlé, se met en place dans toute la France avec des invendus qui ont maintenant une seconde vie, des produits vendus moins chers parce qu'ils sont abîmés. Bon, ils sont un peu sous plastique, mais bon, c'est déjà pas si mal. L'anti-gaspillage est aussi un marché en plein essor. Est-ce que c'est pour l'argent ou est-ce que c'est pour garder une bonne image? Là, je parle des grandes surfaces. Bonne question. Je pense que c'est aussi une question de réglementation, tout simplement. Ils sont obligés, maintenant la loi les oblige à donner leurs invendus à des associations caritatives. Est-ce qu'il leur coûte moins cher que de les faire incinérer parce qu'ils ont une taxe Il me semble que oui. Après, je sais que... C'est une question économique, tout ça. Oui, probablement en partie. Et puis, une question d'image aussi. Peut-être qu'il y a certains qui se rendent compte que c'est bien dans le fond, mais je pense que globalement, pour moi, il me semble que c'est toujours une question économique, forcément. Il n'y a pas beaucoup de social, forcément, derrière les grandes enseignes. Enfin, il y en a toujours en partie, mais ce n'est pas le but. Par exemple, les enseignes de parfums qui proposent de rapporter des flacons vides en échange de réduction, ça, c'est de l'info ou c'est de l'intox ? Ouh, je ne savais même pas. Non, mais je sais pas tout. Ah non, oui. Je suis pas sûre que ce soit pour de vrai. mais je savais pas, dingue. Mais par contre, je sais qu'il y a des cafés à Toulouse qui commencent à proposer, si on ramène son mug, son propre mug, on a moins 10% sur sa consommation. Voilà, je vous le dis comme ça, c'est en train de se monter, on va essayer de pousser plein de cafés à faire ça, comme ça. Pour éviter dans les cafés, il y a de la vaisselle. Oui, mais c'est malgré tout, malgré tout. Ça. Alors c'est vrai que dans les cafés, il y a de la vaisselle, mais parfois il y a la touillette, la petite touillette en plastique, la petite dosette de sucre ridicule, le petit gâteau dans son emballage non recyclable. Ah ouais, ça me tue, ça. Ouais. Non, ça me tue, je veux dire, je comprends pourquoi ils font ça, parce que c'est plus simple, etc. Ah, mais c'est dommage, quoi. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire, vraiment, surtout les petits cafés et tout ça. Moi, j'ai un petit problème aussi avec les... j'arrête pas de donner mon avis, je suis vraiment pas censée faire ça. Sur les mégots, parce que par exemple, à Paris, depuis le 1er octobre 2015, jeter son mégot par terre est passible d'une amende de 68 euros, avec 500 agents de la ville habilités à verbaliser les fautifs. Donc je crois que à Toulouse, il n'y a pas ça, encore. Mais je me dis que c'est un petit peu fou quand même de payer des gens pour ramasser des mégots et des amendes, alors que c'est aussi simple de jeter son mégot dans le cendrier, il y en a plein dans la ville. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Oui, des fois on se demande, est-ce que c'est le bon sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soit plus sensibiliser ou plus mettre de cendrier plutôt que de verbaliser les gens qui écrasent leur mégot par terre? C'est surtout que le problème des mégots par terre, c'est pas seulement que ça salit le sol, c'est aussi que du coup tout ce qui est toxique dans le mégot qui reste, quand il pleut, ça va dans les égouts, et les égouts, c'est quoi? C'est l'eau ensuite qui va se faire traiter, et elle se fait traiter, mais pas complètement, quoi. Je veux dire, on n'est pas des super-héros, on va pas tout enlever, il y a plein de choses qui passent à travers les filtres, et c'est de l'eau qu'on boit ensuite. Donc si tous les fumeurs savaient ça, je pense qu'ils feraient plus attention. C'est vraiment une question d'habitude, c'est tellement facile. Hop, je jette, j'écrase. Ouais, est-ce qu'on pourrait imaginer une taxe sur les ordures ménagères en fonction de notre consommation et non du quartier où l'on vit ou du nombre de mètres carrés dans lequel on vit? Oui, la tarification incitative. Ah. Et il y a un terme. Et non, c'est quelque chose qui est vraiment pensé au niveau national et dans le plan de prévention des déchets au niveau Occitanie. C'est effectivement la tarification incitative, c'est quelque chose qui a marché dans pas mal d'endroits, de régions. Donc l'idée, c'est plus on a de poubelles, plus on paye. Donc ça incite les gens à avoir moins de déchets, en fait. Donc il y a des systèmes, je crois, il y a différents systèmes, un système de pesée automatique de la poubelle ou quelque chose comme ça. C'est encore, je crois que c'est installé aussi Coval, donc dans la partie sud de Toulouse, mais c'est encore au début, tout ça, c'est pas, j'ai pas encore le bilan. Vous faites aussi vous organisez des autopsies de poubelles. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça veut dire on ouvre une fausse poubelle avec plein d'objets jetables, donc une bouteille en plastique, un coton démaquillant jetable, un mouchoir en tissu, un trognon de pomme, des choses comme ça, et plutôt un sachet de pommes potes par exemple, des choses comme ça, et on voit par quoi on pourrait remplacer ces objets jetables. Est-ce qu'on pourrait les remplacer par un objet durable? Donc la bouteille en plastique, évidemment, une gourde. Quand on va en rando, qu'est-ce qu'on fait? On prend une gourde. Et vous la prenez en ville maintenant, ça marche aussi bien et ça dure très longtemps, c'est très très bien et ça se casse pas en inox, nickel. Une gourde, ou alors il existe des cotons démaquillants lavables en coton par exemple, enfin en coton. Attention, on se perturbe. En tissu, voilà, pardon, en tissu, coton, quoi. Mais qui sont lavables. Il y en a dans plein de sortes, pas très chères. Il existe plein de ou alors des mouchoirs. Bon, les mouchoirs en tissu, bon, ça c'est. Je sais que ça a encore des gens qui aiment pas trop ça. Je comprends moi-même. Mais il y a vraiment plein d'objets qu'on peut remplacer par. Ou alors la pomme pote, on peut remplacer par une pomme, tout simplement. C'est quoi la pomme pote? C'est une marque. Ouais, pardon. Vous savez, ces sortes de petites compotes qui s'emportent. C'est vrai, quand on a des enfants, on a plein de trucs en miniature et puis des pailles et plein de trucs. Ah oui, les pailles aussi. Alors ça, c'est un souci. Ouais, les pailles. Il existe des pailles en inox, les gars. Eh oui. Donc c'est un peu cher sur le moment. Enfin, c'est plus cher qu'une paille en plastique, c'est sûr. Nettoyer, ça va, ça le fait. Bon ouais. Enfin, moi, mes copains qui en ont, j'en ai pas des mille, mais mes copains qui en ont, ouais, ça marche bien. Il y a un café sur Toulouse qui a des pailles en inox. Voilà, oserais-je dire son nom? Allez-y. L'anartiste. Voilà, je dis ça parce qu'ils font vraiment l'effort de faire ça et de faire aussi local, bio, tout. Et alors, vous organisez, on l'a dit aussi, des visites dans des centres de tri. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Pour enfin mettre fin au débat. Et le pot de yaourt, on le met où? Et la fameuse boîte à pizza en carton, elle va dans le bac bleu. On en est où du tri de base? Voyez les guillemets, chers auditeurs, à Toulouse, entre le bac bleu et le bac vert. Oui. Et ben en fait moi c'est comme ça que j'ai commencé à m'activer sur Toulouse, c'est que j'habite en centre-ville et j'étais hyper étonnée de ne pas avoir de tri. Enfin, il y avait qu'une poubelle en bas de chez moi, et j'étais là genre what? Et pas de poubelle bleue. Non, en centre-ville, il y a plein d'endroits où il y a qu'une poubelle et on peut faire le tri mais il faut aller au point de collecte au truc collectif rue d'Alsace-Lorraine, il y en a plusieurs par exemple. Voilà, donc généralement ça dissuade pas mal de gens. Moi non, parce que je suis vraiment motivée, mais il y en a plein, je pense qu'ils se disent oh, pff, tant pis, je trie pas. C'est vraiment dommage. Voilà, je pense que ce serait bien quand même qu'ils arrêtent de nous dire oui, non, mais c'est juste qu'il n'y a pas la place dans les rues pour passer avec nos gros camions. Je pense qu'il y a des solutions. Mais c'est pas si simple hein, quand même. Quand on vraiment on grade de ce qu'on peut jeter dans le bleu ou dans le pas bleu. Oui, bah, c'est vrai. La mairie a fait un petit guide super bien. Là. Simplifiez-vous le tri avec le guide du tri. De Toulouse métropole. Le souci, c'est que c'est pas la même façon de trier de région en région. Donc, bon, grossièrement, il y a quand même les mêmes grosses idées, genre bah, le carton, le papier, les canettes, généralement, tout ça, ça se recycle. Mais au niveau du plastique, des fois, c'est peut-être pas toujours. Et puis, lors de cette visite, je vous conseille, si ça vous intéresse, chers auditeurs, c'est aussi une question de taille. Il y a beaucoup de choses petites qui zoupent. Oui, effectivement, tous les papiers, en fait, que vous jetez, si vous jetez un papier qui est plus petit qu'une carte ou qu'une enveloppe, à peu près, il paraît que c'est pas pris en compte. Moi aussi, j'étais très déprimée en tant que ça. Chiffonner le papier. Oui, évitez de trop diminuer vos déchets recyclables parce que sinon ça passe dans les trous. Et vraiment mettre en vrac, si vous mettez vos sacs dans un sac, même en papier, il n'est pas reconnu et ça part à vaut mieux pas mettre tout dans un gros sac et dans la poubelle, mais plutôt. Ouais, c'est un peu chiant. Et sinon, juste au niveau des plastiques, les plastiques recyclables, c'est tous ceux qui contiennent du liquide. Voilà. Donc les bidons de liquide, enfin les bouteilles d'eau, etc. Ça se recycle. Mais on rappelle que le tri, c'est pas le mieux. Le mieux, c'est de diminuer ses déchets à la base. C'était ma question. Je l'ai perdue parce qu'en fait, on est un petit peu en retard. Tiens donc. Donc le compost, on en a parlé. La Smart City, on en a parlé. Donc oui, trier, mais bien trier, c'est formidable, voire normal. Et au lieu de jeter, l'idée est de réparer, recycler, mais donc avant. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avant? Parce que là, c'est trop tard. Alors avant, donc il y a les 4 R. Ah oui, attention. Le premier R, c'est refuser. Donc refuser tout ce qui est jetable. Oui, bon, c'est un peu dur comme ça, mais refuser tout ce qui est jetable très rapidement, tout ce qui a une durée de vie vraiment courte. Bon, après. Enfin, ça peut arriver qu'on ait qu'on laisse passer des choses et qu'on garde des choses qui durent un peu quand même. Mais pardon, je vais aller vite. Voilà, refuser au maximum tout ce qui a durée de vie courte et qui va se jeter très vite. Ensuite, c'est réduire tout, ouais, c'est sa ça. Sa consommation. Réduire ses emballages, c'est un peu d'en refuser, mais ça va un peu ensemble. Oui, réduire sa consommation, essayer de. C'est vrai que même on peut faire attention à ce qu'on mange en termes de quantité. Faire des recettes avec les restes. Exactement, ouais, bien. C'est d'en réduire ça. Bien voir, par exemple, oui, après, c'est des gros termes, hein. Oui, c'est ça, faire attention dans ce qu'on a dans son frigo, qu'est-ce qui va se périmer d'abord, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Du bon sens, quoi. Ouais, voilà, c'est juste comme nos grands-parents. Refuser, réduire, réemployer. réemployer, vraiment, si jamais, avant de jeter les choses, essayer de voir si on peut pas les réparer, les réemployer à d'autres façons, même des façons juste que ce soit joli, ou les donner, oui, bien sûr, les donner, ou les. Ça commence pas par R. Ou les revendre à moindre prix sur Le Bon Coin. Acheter d'occasion surtout, pas neuf, tant que vous pouvez, ce serait trop, trop bien. Y compris les chocolats de Noël, on va les acheter d'occasion. Ça va être trop bon. Mais non, mais c'est vrai. Et la dernière chose, c'est recycler, si vraiment on n'a plus d'autre choix. Mais vraiment, c'est le dernier choix, quoi. Avant, c'est vraiment essayer de. Voilà, même au niveau des cadeaux de Noël, par exemple, on peut faire des cadeaux de Noël qui sont pas, qui vont pas finir à la poubelle très vite, je sais pas moi. Ou sur Le Bon Coin. Ou sur Le Bon Coin, voilà, acheter, soit faire soi-même des choses, par exemple, constituer un, enfin, comment dire, faire des cosmétiques pour ses, pour sa famille, ou bien leur, enfin, leur faire des tissus qui recouvrent les plats, et qui sont durables, qui sont en cire d'abeille. Bref, j'aurais des tas d'idées comme ça, mais je vais m'arrêter et là. Et pas les emballer, parce que le papier cadeau, il a, enfin, il a du plastique. Emballé avec pas, un tissu. Qui est pas recyclable. Ça s'appelle les furoshiki, si vous voulez regarder. Encore un truc japonais. Furoshiki. C'est comme ça, vous emballez, et puis après, vous pouvez récupérer le tissu ou le donner à la personne. Et ça fait pas un déchet. Tada. Merci beaucoup, Suzanne Combe, d'être venue faire un tour dans Rien à voir quoi que. Merci. Alors, je rappelle l'adresse du site de Zero Waste France, parce que Toulouse n'a pas de site, hein, www.zerowastefrance.org. Et pour le groupe à Toulouse, c'est mieux d'aller sur Facebook. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore de site. Donc, sur notre page Facebook, on met plein d'infos et vous pouvez nous contacter là, à cet endroit-là. Merci beaucoup, Suzanne. Vous restez avec nous le temps de l'instant philo de Ambre. Oui, bonjour. Jingle ou pas jingle ? Comme vous voulez. Je crois que Ambre a envie d'une petite, petite respiration. Alors, accrochez-vous. Ça va aller. Rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Bonsoir chers auditeurs, alors aujourd'hui on va rester dans la thématique du jour vu qu'on va parler de déchets. Alors on va commencer par la définition. Définition de déchets, c'est la diminution ou la perte qu'une chose éprouve dans sa substance, dans sa valeur ou dans quelques-unes de ses qualités. On peut également dire d'une personne, hein, une personne en état de déchéance, un peu comme le tonton alcoolique que l'on qualifie de poivreau, poche agnole ou encore déchet. Surtout en fin de repas de famille, c'est bientôt Noël, alors accrochez-vous. Effectivement, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas déchet, on le devient. Effectivement, pour qu'une chose perde son utilité, sa valeur, il fallait bien qu'elle en ait une initialement. Parce que oui, le déchet, c'est un objet qui se consomme, qui se consume un peu comme l'amour passionnel et qui finit par ne plus avoir d'intérêt pour nous. Il devient déchet, c'est pour ça qu'on en fait notre ex. Mais le déchet à l'origine n'est pas n'importe quel objet. Un objet d'art, par exemple, a pour but l'inutilité. En ce sens, il n'est pas consommé, il n'est pas consommable. Il est contemplé et donc il ne peut pas être réduit au stade de déchet. On peut donc être ou ne pas être déchet, telle est la question. Être déchet, c'est une étape, un stade. Déchet de l'étymologie dèche, hein, être dans la dèche, dans la merde. Alors de même que l'amour est aveugle, le recyclage, lui, n'a pas d'odorat. Et heureusement, vu son job. Heureusement aussi qu'il existe, car grâce à ses pouvoirs magiques, le recyclage offre une seconde vie à des objets, un peu comme une réincarnation. Oui, mesdames et messieurs, le recyclage a des propriétés mystiques. Alors on vient d'en parler, hein. De même qu'il y a la règle des trois unités ou triâtres ou trois reliques de la mort dans Harry Potter. Il existe aussi dans le recyclage la stratégie des trois R, réduire, réutiliser et recycler. Et donc quand je lisais ça l'autre jour, je me fais, mais en fait c'est dingue, en philo on est hyper écolo. Parce que prenons le premier R, recycler, je veux dire le recyclage c'est quand même le truc le plus récurrent en philo, on est super écologique. C'est d'ailleurs grâce à ce recyclage que depuis 25 siècles, on reprend les mêmes questions, la même matière première. Alors on dit jamais la même chose avec, hein, c'est incroyable. 25 siècles qu'on parle de l'être. Alors oui, oui, effectivement, il a une utilité, par contre, c'est jamais la même. Entre la métaphysique, la physique, l'ontologie, la théologie, l'anthropologie, et j'en passe, je n'en peux plus. Alors on ne fait pas que recycler, on réutilise également. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de réutiliser la théorie d'un mec mort, comme ça, il n'y a pas de représailles, et puis tu la critiques bien en disant que ta théorie est mieux. Sois toujours condescendant avec tes prédécesseurs, comme disait Socrate, parce qu'il n'a pas de prédécesseur. Donc, la réutilisation, peut-être, on va prendre un exemple, une théorie plus pertinente que tout le monde connaît, celle de l'inconscient. Alors, la théorie de l'inconscient, Freud débarque, il crée le produit initial, hein, la théorie, il nous dit « Ouais, l'inconscient, troisième blessure narcissique de l'humanité », il parlait comme ça. On peut soigner des gens avec la psychanalyse, l'inconscient, c'est maintenant. Donc ensuite, ta Popper, il va voir la campagne de Freud, il va la réutiliser, pourquoi ? Mais pour la critiquer, évidemment. Donc il va nous dire, la psychanalyse d'abord, c'est même pas une science. Alors oui, l'inconscient, c'est pas un moi maléfique qui prend le dessus sur ma conscience sans que je le contrôle. L'inconscient, c'est une hypothèse inutile qui, en fait, fait juste flipper les gens. Et encore après, deuxième réutilisation, Sartre débarque. Alors lui, vraiment pépouze, hein, il a le melon parce que le mec, c'est le papa spirituel des jeunes de mai 68. Il dit « L'inconscient, complètement débile, c'est que de la mauvaise foi. » Donc moi, je dis franchement, c'est un peu des gamins, mais bon, si c'est pas de la réutilisation, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et puis troisièmement, réduire la réduction. Oui, oui, évidemment qu'on fait de la réduction en philo parce qu'en philo, on est écolo. La preuve, on a même un truc qui s'appelle le réductionnisme. On est en avance sur vous, hein, on a conceptualisé le truc. Donc le réductionnisme, ça serait parce que oui, en philo, on est un peu snob, mais on est aussi un peu flemmard. Du coup, des fois, on décide qu'une théorie ou un concept, ça peut être expliqué ou défini par un autre concept. En gros, ce que ça veut dire, c'est juste qu'on serait les pires créateurs de dictionnaires en fait du monde. C'est-à-dire que par exemple, si t'es chez toi et que tu cherches un mot un peu compliqué dans le dictionnaire des philosophes, tu te dis waouh, ça va être un truc trop savant, génial. Donc t'arrives, tu cherches, mettons, le mot solipsisme, tu vois, un peu compliqué. Donc tu cherches S, etc. Solipsisme, deux points. C'est pas de l'idéalisme, mais ça ressemble un peu. Donc heureusement qu'on ne fait pas de dico. Après, c'est vrai, je suis un peu de mauvaise foi. Le réductionnisme en philosophie, ça serait par exemple quand Descartes, au XVIIe siècle, nous disait que le comportement animal est complètement réductible à celui d'un mécanisme physique. Donc finalement, tout ça pour dire que la philosophie, c'est un peu comme le recyclage. C'est quand t'as mauvaise conscience que tu commences à t'y mettre. Merci. Merci, Ambre. Et merci encore, Suzanne, qui est toujours avec nous dans le studio, qui se marre. Super, j'adore. On se retrouve après ces peu Petit rien par Stacy Kent. Mieux vaut ne penser à rien qu'une pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. De rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous. faut être à moitié fou. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et on venait d'écouter le morceau « Ces petits riens », une chanson écrite par Serge Gainsbourg et ici interprétée par l'américaine Stacey Kent sur « Breakfast on the Morning Tram » sortie en 2007. Et figurez-vous que Stacey Kent sera en concert à Toulouse, à la Halle aux Grains, le dimanche 14 janvier à 19h. Et c'est maintenant le moment du coup de cœur de Hugues ce soir, à la fois musical, littéraire et militant. Oui, alors je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Blues et féminisme noir », Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith et Billie Holiday, par Angela Davis, donc célèbre militante. Elle fut communiste et membre du parti des Black Panthers, emprisonnée pendant un an suite à une accusation un peu fumeuse à l'époque où le sinistre Nixon était encore président des États-Unis. Elle est également enseignante et intellectuelle afro-américaine, donc elle a notamment beaucoup travaillé sur l'intersectionnalité, une notion qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination. Alors ce livre, publié pour la première fois en 1999 et aujourd'hui traduit en français aux éditions Libertalia, c'est quand même 416 pages accompagnées d'un CD sur lequel on retrouve quelques titres de Ma Rainey et de Bessie Smith. Et quant à Billie Holiday, vous n'aurez pas de mal à trouver ces enregistrements chez n'importe quel disquaire ou sur une plateforme de streaming. Pour illustrer toute la richesse de réflexion qu'apporte le livre, je vais d'abord vous citer le nom de certains chapitres, donc tels que « I used to be your sweet mama », « Idéologie, sexualité, vie domestique »,« Mama's got the blues, rival, petites amies et conseillères », ou encore « Hear my train coming », ou pardon, je « Hear my train »,« Here come my train » plutôt, thématique du voyage dans le blues des femmes. Pour celles et ceux qui sont séduits par la dimension romancée du blues, attention, parce qu'il s'agit bien de là d'une étude et non pas d'une biographie croisée à base d'envolées métaphoriques. C'est une analyse rigoureuse et nuancée de chansons souvent rebelles, avec une langue bien à elle, parfois codée, portée par des femmes noires avec de la gouaille. Car c'est entre autres sur les paroles de ces divas hors normes que Davis s'appuie pour explorer des thématiques comme le mariage, le patriarcat, la transition entre la période esclavagiste et la ségrégation, les particularités de la classe ouvrière noire, le rapport au voyage pour ces Afro-Américains récemment libérés de leur chaîne, ou encore l'industrie du disque racialisé des années 20 et 30. Donc un ouvrage important qui poussera les mélomanes les plus curieux, on l'espère, à s'intéresser aux sciences humaines telles que la sociologie ou l'histoire. Et donc pour donner un peu plus de chair à cette chronique, et puis parce qu'on parle aussi de musique là tout de suite, on va écouter Empty Bed Blues, c'est la première partie par Bessie Smith. In thrill me, he thrills me night and day. He's got a new way of loving, almost takes my breath away. Lord, he's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. He's got that sweet something, and I told my girlfriend Lou. Donc à l'instant c'était Bessie Smith avec la première partie du titre. J'adore. La première partie du titre Empty Bed Blues. Et donc Bessie Smith, née aux alentours de 1894, décédée en 1937, comme il est dit dans le livre, était les plus connues de ces femmes, donc de ces femmes chanteuses de blues. En prêchant une sexualité amoureuse, elle formulait une expérience collective de la liberté. Elle mettait en chanson la preuve la plus puissante qui soit pour de nombreux noirs que l'esclavage n'existait plus. Donc je le rappelle, le livre de Angela Davis, Blues et féminisme noir, donc qui s'articule autour de chansons de Gertrude Ma Rainey, de Bessie Smith et Billie Holiday, qui est déjà disponible, voilà, aux éditions Libertalia, traduit en français. Je vous invite à écouter ça, et puis pour, ça peut faire un beau cadeau de Noël. Enfin, je vous invite à lire ça plutôt. Merci. Avec plaisir. Figurez-vous qu'on va vous offrir des cadeaux avec des places de concert avec le groupe Rémi Panossian Trio au Taquin. Le Taquin, hein, Hugues? Oui, oui. Tu connais bien le Taquin? Oui, c'est un club de jazz que je recommande. 23 rue des Amis Donniers à 21h. Groove, ravageur, mélodie pop et chantante, folie et énergie des moments improvisés, RP3 c'est le nom du groupe. C'est un groupe de rock qui joue du jazz ou un groupe de jazz qui joue du rock. Deux dates au choix, vendredi 15 et samedi 16. Et alors pour gagner, c'est très simple, vous nous appelez là maintenant tout de suite au 09 53 83 76 09. Je répète parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait gagner des places à Campus FM. Le 09 53 83 76 09. Et c'est Ambre qui vient de faire sa chronique philo qui va vous répondre. On monte un tout petit peu le son avec le morceau Morning Smile du groupe RP3, le Rémi Panossian Trio. Aujourd'hui s'achève. Un grand merci à notre invitée qui est restée avec nous pour la fin de l'émission, Suzanne Combes, cofondatrice de Zero Waste Toulouse. Merci beaucoup. Et merci à Ambre, Edgar et Hugues pour vos chroniques ce soir. Merci Ambre qui répond au téléphone, on l'entend un peu. En derrière. C'est live. C'est live. Merci à François, la réalisation technique de l'émission. Et un dernier mot. Pour nos amis de Radio FMR qui organisent une soirée de soutien jeudi 21 décembre, suite à une baisse de leur subvention, Radio FMR lance un appel à tous pour pouvoir continuer de faire vivre la radio. Le 21 décembre donc, dès 17h, vous trouverez une friperie dans les locaux de Radio FMR, 9 boulevard des Minimes. Et puis il y aura aussi de quoi manger. Et à partir de 19h30, un concert est organisé à la Cave à Rock. Ça c'est 3 boulevard des Minimes, avec une vente aux enchères qui est prévue à l'étage, ainsi qu'un stand de vin chaud et de restauration. Le prix à l'entrée est libre. Le prochain rendez-vous de Rien à voir, quoique, c'est la semaine prochaine, jeudi 21 décembre à 18h. Et oui, on va essayer de passer en hebdomadaire, en direct sur Campus FM ou sur le www.campusfm.net. Merci, belle soirée. Restez branchés sur les ondes de Campus FM.